Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Victor Belin et je suis ravi de vous retrouver pour cette émission Éclat de lumière du mois de juin. Nous sommes dans une période de l'année très chargée, remplie d'événements culturels en tout genre, à Nancy, mais aussi, vous allez le voir, ailleurs en France. Alors pour ce faire, je souhaiterais commencer cette émission en vous remerciant d'être aussi nombreux à nous écouter tous les mois sur Fadjet. Vos retours pour le moment sont hyper positifs et hyper constructifs et ça nous motive à fond pour la suite de l'aventure qui est amenée à se poursuivre l'année prochaine avec de nouvelles rubriques, avec de nouveaux invités sympathiques pour cette émission donc qui va se poursuivre également cet été. Pour commencer, je vais saluer donc les nombreux chroniqueurs qui sont présents autour de cette table et ils sont très nombreux à m'accompagner aujourd'hui et ne sont d'ailleurs encore pas tous arrivés dans le studio. Vous avez un petit backstage. Je dis donc bonjour à Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Et je dis bonjour également à Mouloud. Bonjour à tous et à toutes. Et je dis également bonjour à Nathalie et à Aline qui interviendront la prochaine fois, donc tout à l'heure dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons un programme extrêmement chargé. Le mois de juin et les beaux jours sont donc arrivés et énormément d'événements culturels, je vous le disais, arrivent à Nancy mais aussi ailleurs en France. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour vous parler des prochains événements à Nancy et partout en France. En termes de cinéma, j'accueille et je salue tout d'abord donc Blandine Glamsevski. Glamsevski, pardon. Bonjour à tous. Qui viendra nous parler donc avec Mouloud des festivités et du programme du Festival Ayaï qui se déroulera cette année du 27 juin au 6 juillet. Un petit peu plus tard, donc, nous aurons dans cette émission des expositions et une rétrospective autour notamment de Jean-François Vigneault et de Nîmes Rome que vous avez déjà pu entendre dans cette émission et qui reviendront tout à l'heure évoquer leurs futurs projets, leurs expositions et leur art. Par la suite, nous aurons également donc la présidente de l'association Ginkgo, Françoise Algros, qui sera avec nous et avec Aline pour évoquer cette belle association locale nancéenne, âgée d'ailleurs depuis plus de 30 ans maintenant. Enfin, un petit tour par le spectacle vivant avec la compagnie Branle-Bas de Combat, son président René Rousseau, Benjamin Laperto et Floriane Gavoil qui présenteront aujourd'hui dans Éclat de Lumière leurs futurs agendas et leurs futurs projets. Et comme le veut maintenant la coutume, pour commencer ce programme chargé, je vais laisser Mouloud et son invité, donc Blandine, évoquer un petit peu de cinéma. C'est à vous. Alors aujourd'hui, à l'émission donc Éclat de Lumière à Radio Fadjet, nous avons invité la directrice du Festival international du film de Nancy, Lorraine, maintenant on peut dire Grand Est peut-être, anciennement Ayaï. Alors, Madame Glamsevski, je vais vous poser une question sur l'historique. Est-ce que la date du démarrage de ce festival qui s'appelait Ayaï, où le logo était un lémurien avec des gros yeux, bien sûr, et qui a évolué vers une appellation, effectivement, que vous devrez nous expliquer comment la transformation s'est faite, et si on utilise toujours ces deux logos, c'est-à-dire le lémurien, Ayaï, et l'appellation internationale du festival. Bonjour. Oui, bien sûr. Donc le Ayaï avait été choisi par les créateurs de l'association parce que c'est un animal nocturne et qui a des grandes oreilles, donc il rappelle un peu le spectateur dans la salle de cinéma. Donc ça fait toujours partie du nom de l'association, bien sûr. Ayaï VO, Festival International du Film de Nancy. Par rapport aux dates, il faut savoir que les premières éditions se faisaient à cette période, fin juin, début juillet. Puis ça a évolué, une demande de la ville, je crois, a fait que le festival a eu lieu plutôt fin août, début septembre. Oui, ça c'est le dernier. Jusqu'en 2023, oui. Voilà. Et maintenant, donc on se recale donc sur les dates des premières éditions de festival, donc cette année, donc du 27 juin au 6 juillet. Moi, ça me plaît, hein, la période là. Bon, je pense qu'il faut voir apparaître le public. Je pense que ça leur plaira parce que le plein air, parce qu'on revient au plein air cette année. Vous pouvez un petit peu parler des années qu'il y a eu, où il y a eu des tas de changements et que finalement, il y a eu des tergiversations. Est-ce qu'on reste en fin août, début septembre ou fin septembre? Finalement, on est revenu en juin comme les autres années. Le pourquoi? Oui, effectivement, des années difficiles ces dernières années, hein, pour les dernières éditions. Dans un premier temps, on ne pouvait plus faire de projections en plein air parce qu'il y avait des travaux dans la cour, au conservatoire. Ça faisait qu'on ne pouvait plus utiliser l'espace. On avait étudié d'autres possibilités, mais ça revenait trop cher. Le coût était trop élevé pour faire des projections ailleurs en plein air. Puis, et aussi, on n'a pas forcément tout le public fin août, début septembre. Donc, on avait voulu reporter l'année dernière fin septembre. Oui, fin septembre, ouais. Avant les grands événements de Nancy, avant donc le NJP et après le livre sur la place. Mais ça n'a pas été possible pour des raisons techniques. Donc on a fait un événement sur 3 jours, mais on n'a pas fait notre édition habituelle du festival. Et donc nous avons cherché donc d'autres dates où on pouvait avoir à la fois d'où le public, à la fois les étudiants, mais aussi les habitants de Nancy et tout. Et donc on a trouvé cette date qui est finalement une date, les premières dates des éditions du festival, donc du 27 juin au 6 juillet 2025. Alors, il y a une autre difficulté que je vais quand même relater, hein. On va en profiter parce que ça peut être un appel, il peut y avoir effectivement des personnes qui peuvent être intéressées par un partenariat, par une aide. C'est au niveau du matériel que la ville ne peut pas fournir à cette date. Est-ce que vous pouvez expliquer le pourquoi et éventuellement faire un appel à des associations ou des municipalités pour amener leur aide en barnum, en table, je ne sais pas. Hein. Oui, tout à fait. Donc la ville donc, nous met à disposition habituellement du matériel pour nos... Parce que j'ai pas parlé de les projections en plein air qui reviennent cette année. Donc tout le public va pouvoir retrouver les séances en plein air. Et puis, dans l'autre espace de la cour de la manufacture, c'est un espace qui est dédié aux concerts, mais aussi à la restauration. Il est possible de boire quelque chose et tout. Et pour cet espace, nous avons besoin de tables, de bancs et de barnums. Donc, nous avons quelques barnums, mais nous n'en avons pas assez. Et surtout, nous n'avons pas de tables et de bancs cette année parce qu'ils vont être beaucoup utilisés, soit par une brocante, soit par toutes les kermesses d'école, tout ça. C'est que nous n'avons pas donc effectivement suffisamment de bancs et de tables, et si jamais des communes veulent nous aider, volontiers. J'espère que c'est bien entendu et que quelqu'un va peut-être vous appeler pour une aide de barnum ou de table ou autre chose. Oui, alors donc là on va parler quand même du programme, mais les salles, déjà, les salles qui sont disponibles dans le quartier, puisqu'il y a des salles qui ne sont plus disponibles, et il y avait des partenariats qui avaient été interrompus, je crois qu'ils ont repris cette année, je ne sais pas, expliquez-nous un petit peu tout ça. Donc, on avait des partenariats avec le théâtre de la Manufacture, mais là, ils ne peuvent pas mettre à disposition une salle. Ce qui se recrée, c'est avec le conservatoire régional. Le conservatoire régional, malheureusement, ne pourra pas mettre de salle à disposition en intérieur parce qu'il y a des examens à cette période. Ce n'est pas tous les ans, mais cette année, il y a des examens jusqu'au début juillet. Par contre, ils nous mettent à disposition de nouveau une salle pour mettre notre vidéoprojecteur pour les séances en plein air. Voilà. On a toujours donc, le partenariat avec l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel. Le partenariat donc avec Imagès qui nous met à disposition la salle de la ville, salle Sadoul. Un partenariat avec le Goethe-Institut, donc toujours des projections au Goethe-Institut. Et on aura quelques projections au cinéma Caméo Commanderie. Voilà. Et le GEC, non, cette année, non. Non, parce que ouais. C'est une option qu'on avait choisie quand on ne pouvait pas avoir de plein air. Voilà, oui. Parce que c'est une grande salle, mais par contre, il faut louer un matériel très cher. Oui, un projecteur et tout. Son et tout. J'ai pas cité tous les partenariats. le 25 juin, on aura 2 séances jeune public à la médiathèque Jules Verne, de Vendeuvre-les-Nancy. Voilà. Ouais. Et puis, depuis plusieurs années, on a aussi un partenariat avec le cinéma Cité à Toul. Donc là, on aura une journée de festival le 12 juillet. Oui, Cinéma Toul, ça fait combien d'années que ça se Oui, fait ça fait 4-5 ans qu'on est partenaire, oui, pour une journée festival. Alors, l'affiche, bon, je pense que le thème, l'idée est dans l'affiche, dans le logo, dans l'affiche, la couleur, je dis jaune, ça se voyait très mal, ça se reproduisait très mal quand on prenait des photos. Pourquoi le jaune, bien sûr. Mais quel est le thème principal, je dirais globalement, du festival? Et quel est le pays invité, hein? Parce que traditionnellement, il y a toujours un pays invité dans l'année du festival. Parlez-nous-en un petit peu. Alors, il n'y a pas de thématique particulière à notre festival, c'est un festival généraliste. Mais ce qu'on soutient beaucoup, c'est la valeur, enfin, les droits humains. C'est quelque chose qui va transparaître un peu dans notre programmation, qui va faire l'objet d'une table ronde et tout ça. Donc, c'est un festival généraliste avec qui soutient donc ces valeurs. Et chaque année, on met aussi en avant une cinématographie particulière. Donc, cette année, ce sera donc la Belgique, mais surtout la Wallonie qui est mise en avant dans la programmation, en plus de toutes donc les sections qu'on a, beaucoup de courts-métrages internationaux, français, de la grande région, Ziz, c'est des films décalés, mais aussi des films labos, enfin expérimentaux, des films d'Amérique latine, tout ça c'est des courts-métrages, et toute une sélection jeune public. En plus de ça, il y a donc une compétition de documentaires internationaux également. Et enfin, donc des fictions, des longs métrages de fiction en plein air chaque soir. Voilà. Oui, alors, bon, c'est sûr que les tarifs, je ne sais pas s'ils sont toujours les mêmes, hein, parce qu'il faut que le public soit au courant à peu près, à moins qu'il faut attendre ce qu'il y ait un vote du conseil d'administration pour modifier les prix ou non, les Non, tarifs. ça a été fait, donc ce sera 4,50 donc les projections classiques. Enfin, et pour les séances jeune public, ce sera moins cher, ce sera 3 euros. Et pour le pass, 40 euros. Alors, c'est-à-dire qu'on peut acheter un pass à 40 euros et on peut avoir accès à toutes les salles, enfin à toutes les projections pendant le festival, que ce soit 10, 20 ou 30 projections. Il y a des tarifs réduits pour les étudiants, donc c'est un peu moins cher pour les C'est étudiants. bon à savoir. Et puis pour le CNAS et Interceva. Oui, donc, disons, le public jeune, il y a aussi un partenariat, je crois, avec un pays à l'étranger. Non? Des échanges. Il y a des Festival en échanges échange réguliers. avec la Macédoine, non? C'est Alors ça? oui, ça c'est dans le cadre de notre festival à destination des scolaires qui a lieu plus tard dans l'année, où là, effectivement, il y a des programmations que pour les scolaires. Et on va régulièrement donc en Macédoine aussi pour mettre quelques séances jeune public du festival. J'ai une petite question pour vous avant qu'on passe un premier morceau dans cette émission. Est-ce que vous avez une petite recommandation culturelle pour les auditeurs de Fadjet Radio, un morceau, un film, un livre que vous aimeriez partager avant pour finir cette interview? Je vous prends un petit peu au dépourvu. Bah, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup de films à découvrir et enfin, il y a plusieurs coups de cœur en ce qui me concerne, mais d'autres coups de cœur pour le donc, il y a vraiment chacun peut trouver en fait Son bonheur. son bonheur, oui. Ok. Bah, merci beaucoup. Musique. Merci beaucoup. Musique. Merci beaucoup, Blandine. On va se laisser un tout petit peu en mettant un petit morceau des Libertines. À tout de suite, on se retrouve pour la suite d'Éclat de Lumière sur Adjet Radio. It's a lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest I his hand. He's an old time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one night stand. He can eat more chicken than any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. Tomorrow's happiness, we don't break before we burn. And tonight, your soul is sad. It'll turn out nice again. It's only retour sur Fadjet Radio, c'est l'émission Éclat de Lumière. Et pour conclure donc ce premier invité, Mouloud, je crois que tu avais envie de rajouter deux mots rapidement. Alors, Madame Blandine Glapsiski, donc on est arrivé un peu à la fin, disons, de votre interview. Et ce que je voulais vous demander, c'est de nous donner quelques titres, vous les avez, hein, quelques titres de films importants qui peuvent éventuellement accrocher. Bon, au niveau des courts-métrages, je ne sais pas si vous avez quelques courts-métrages importants qui peuvent aussi intéresser. Mais c'est surtout rappeler au public les dates du festival. Le lieu précisément pour que les gens puissent passer le mot, quoi. Oui, pour évoquer les longs métrages en plein air. Donc, il y aura deux films allemands parce qu'on a toujours un partenariat avec le Goethe-Institut. Et donc, pour les films belges, on aura Chienne de vie de Xavier Serron et Close de Lucas Don, qui avait eu un prix à Cannes, celui-ci, en 2022. Dernièrement, là. Très, très bon film. En 2022. Très, très bon film. J'ai beaucoup aimé. Oui. Les courts-métrages, beaucoup sont importants, en fait. Il y a vraiment beaucoup de courts-métrages et beaucoup de choses intéressantes. Une thématique redondante, quelquefois, qu'on retrouve, c'est sur l'enfance, pas mal dans les documentaires ou certains courts-métrages, et même dans les longs-métrages de fiction. Donc, je rappelle, le festival a lieu du 27 juin au 6 juillet dans les cours de la manufacture. Donc, les salles aussi qui sont autour, le Goethe-Institut, le Caméo Commanderie. Mais aussi, donc, le 25 juin, je vous avais dit, à la médiathèque pour une séance plus 3 ans et plus 7 ans, médiathèque Jules Verne à Vendôme-Nancy. Et puis, deux séances donc, à Toul le 12 juillet. Et je voudrais rappeler qu'il y a un espace de convivialité où les gens peuvent échanger entre eux ou avec les invités du festival. Oui, ce qu'on appelle le village du festival. Quoi. Oui, et là, donc, il est possible de se restaurer et puis d'écouter des concerts qui sont gratuits. Voilà, chaque soir. Les projections auront lieu à 22h parce qu'il fait nuit tard. Le plein air. Les séances en plein air auront lieu à 22h. Par contre, toute la semaine et le week-end, il y a des séances en salle, effectivement, les après-midi et en fin d'après-midi. Oui, ça commence dès le matin ou l'après-midi, niveau des films et courts-métrages. Début d'après-midi. Surtout les week-ends et les mercredis, vers 16h, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Un coup de cœur, Lumière en art, pour cet événement qui rayonne bien au-delà du Grand Est. Donc, on vous encourage à une belle réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, grand espoir. Je rappelle donc les dates du Festival AIAI cette année donc à Nancy, du 27 juin au 6 juillet. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place pour voir cette très belle programmation. Nous sommes donc maintenant par une petite magie du montage avec nos prochains invités. J'ai nommé donc Benjamin Laperto et Floriane Gavoil qui sont là donc pour nous présenter leur festival intitulé donc Le Cercle sans Jaille. Vous connaissez peut-être déjà ce festival dont c'est la 3e édition si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et qui se tiendra cette année donc du 13 au 14 juin à la Porte Saint-Georges et au Cercle du Travail. On est là donc ensemble pour évoquer un petit peu la programmation, les grandes thématiques et je vais peut-être commencer par vous laisser présenter le festival, savoir un petit peu ce qu'on va pouvoir y retrouver, le public et autres, messieurs, dames. Eh bien, alors du coup, effectivement, c'est la 3e édition pour ce festival. On l'a séparé en 3 temps, ce festival. Alors, donc nous, on appartient à une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Branle-Bas de Combat et on organise ce festival en conjointement avec le Cercle du Travail. Premier temps, ça va être le vendredi 13, le soir, à partir de 20h, il va y avoir des concerts devant la Porte Saint-Georges. Donc 2 concerts, ces concerts seront gratuits, donc vraiment disponibles à tous les gens qui passeront dans la rue. Premier concert, donc on a Macaulay violoniste avec Iliane Ecuri qui viendra nous interpréter donc des musiques latino teintées un petit peu de Balkans. On retrouvera ensuite le trio Mathieu Roffé, Hiroko Ikimura et René Russo donc, qui sont déjà produits l'an passé et qui reviennent nous présenter un nouveau set. Et puis on finira la soirée, cette fois-ci dans le cadre des Métropholies avec les Années Folles et le jazz, pareil, devant la Porte Saint-Georges. Très belle manifestation. Merci. Très variée. Alors moi je reprends la parole pour vous présenter la journée du lendemain, le samedi 14 juin. Donc là on aura des spectacles à partir de 14h. Il y a 4 spectacles qui vont s'enchaîner, donc on est sur des spectacles payants. Il y a une billetterie qui est d'ores et déjà en ligne sur Hello Asso, donc vous pouvez réserver vos billets et c'est fortement conseillé. On parlera de la billetterie un petit peu après. À partir de 14h, vous avez un premier spectacle qui s'appelle Podane par la compagnie Héliotrope. Donc c'est un spectacle enfant et tout public. Alors elle était déjà venue l'an dernier nous présenter un autre spectacle qui était super, qui a vraiment plu, qui a vraiment bien marché. Elle revient ici avec une nouvelle création. Donc voilà, on dit vraiment venez parce que c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Après, à 15h15, on a donc un trio musical Horn. C'est musique du monde avec des compositions, quelques reprises. Donc c'est un chouette moment à vivre également. À 16h30, on a un spectacle qui s'appelle Crac, c'est l'histoire, avec la compagnie Sous le regard des grenouilles. C'est encore un spectacle enfant et même tout public, qui est accessible à tout le monde. De quoi passer un bon moment. À 17h45, on a un one-woman show qui s'appelle Profession accompagnatrice. Pareil, un spectacle tout public. Et ensuite, on enchaîne avec 19h, la chorale du Cercle du Travail qui vont produire un concert, le demi-cercle du travail avec des chants d'espoir, de résistance, des chants d'ici, d'ailleurs, d'hier, d'aujourd'hui, de demain. On enchaîne ensuite à 19h30 avec l'atelier théâtral du Cercle du Travail qui présentera un spectacle gratuit. La chorale aussi précédemment, c'est gratuit, donc vous pouvez venir à partir de 19h. Je reprends sur l'atelier théâtre, donc le spectacle c'est de Molière à Raymond Devos. À 20h, on a une scène musicale ouverte, donc toujours gratuitement. Et ensuite, on va clôturer le festival à 21h30 avec une soirée cabaret Années Folles. Il y aura plein de surprises. Il y a du chant, de la danse, de la magie, du théâtre. Il y en a pour tous les goûts. Cette soirée est payante. Elle est aussi sur réservation. On vous conseille fortement de réserver. Donc, c'est 25€. Et toutes les personnes qui viennent costumées ou habillées de manière Années Folles auront une consommation offerte. Et pareil, vous pouvez retrouver donc la billetterie en ligne sur Hello Asso. Voilà, donc du coup, cette soirée cabaret, c'est vraiment le gros moment fort de ce festival qui, en plus, s'inscrit dans les festivités de Métropholies en ce moment à Nancy, concernant les commémorations de cet art nouveau. Voilà, c'est vraiment un événement tel qu'on les aime à Lumière en Art. Très, très bien d'organiser ce temps fort. Et puis, l'actu de Branle-Bas de Combat, qui est aussi une compagnie qui maintenant rayonne de plus en plus, un petit peu partout et bien au-delà de Nancy, voilà, sur différents lieux. Branle-Bas de Combat, donc quelle suite, quelle actualité? Ah bah alors là, actualité un peu chargée pour nous, parce qu'on a réussi à décrocher quelques dates. On a la joie et l'immense honneur de jouer au Festival aux Actes Citoyens le 25 mai. Donc qui sera déjà passé au moment où on enregistre. C'est vrai qu'il faut que je parle du coup au passé, c'est vrai, mais oui, pour nous pas encore. Effectivement, au moment où on enregistre. Mais c'est un très très beau festival qui fait beaucoup parler. Et il me semble, j'ai eu quelques échos hier, que c'était déjà pratiquement plein, voire plein complètement le festival actuellement. Donc c'est vraiment... Oui, et là on a déjà communiqué, annoncé régulièrement. Très donc très nous, bel on événement. On parlait de l'événement que vous faites en spectacle, qui est vraiment théâtre de rue, quoi, voilà. Et on avait annoncé sur nos réseaux sociaux les différentes lumières en art, voilà. Et ça, on a eu de très très bons retours. Ce sont des festivals qu'on aime bien soutenir, ce type de représentation. Puis dans le cas d'Aux Actes Citoyens, c'est vraiment très très bien. Et effectivement, vous serez plus qu'un coup de cœur, puisque à la fois le public et en même temps l'équipe du magazine était tout à fait en phase. Et on a attribué, décerné pour 2025, vous en avez un petit peu la primeur, les auditeurs l'apprendront après, donc voilà, en décalé. C'est le Joker d'excellence, de la créativité, pépite et talent pour votre compagnie qui fait un travail exceptionnel. Et nous, modestes passeurs, on essaie d'être le petit grain de sable qui encourage tous vos travaux en espérant que voilà, ça sera une petite mascotte pour vous encourager à de belles réussites pour les futures représentations. Bah, merci en tout cas. On essaye nous aussi avec nos petits moyens modestes voilà, de raconter des histoires, de passer des événements, des émotions avec le public. Et on essaye voilà, de rayonner, d'aller jouer un peu partout pour aller porter cette parole. Et moi, je tiens quand même à souligner, parce que j'ai la programmation sous les yeux, le fait qu'il y ait énormément de spectacles et d'événements lors justement donc, de cette édition du Cercle Sanjaï pour les enfants. C'est vraiment une édition où vous pourrez retrouver énormément de choses. C'est très éclectique. On peut trouver donc de la musique, on peut trouver de la danse. Il y aura énormément de surprises. Et alors, j'aimerais quand même que vous nous parliez un petit peu de cette soirée qui, moi... me semble extrêmement alléchante, donc cette soirée cabaret année folle. Donc dites-nous un petit peu ce qu'on pourrait retrouver à partir de 21h30 le samedi soir, ou est-ce que vous avez déjà divulgué un petit peu toutes les surprises qu'il y aura dans cette... ou alors est-ce que vous pouvez ne pas trop en dire? On ne peut pas tout dévoiler, mais non, ça promet d'être une soirée mémorable, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réserver, les places sont très limitées, ouais. Donc réserver, mais voilà ce que je peux vous dire, il y a du chant, il y a de la danse, il y a de la magie. Du théâtre, nous, notre compagnie intervient aussi avec une petite pièce, un petit fil rouge en tout cas qui se suit tout au long de la soirée. Et vraiment pour tous les amoureux de cette époque, il faut venir parce qu'on va passer un très très bon moment. Voilà, donc, et puis avec de la musique pile poil dans les années folles, donc du jazz, on a réussi à trouver des danseuses pour nous accompagner pendant la soirée. On va essayer de redécorer ce cercle du travail qui date de 1916, de le redécorer un peu mode année folle, année 1920. Donc on va essayer d'emmener les gens avec nous dans cette époque à travers toutes ces représentations. Et s'il vous plaît, venez costumer, puisque visiblement il y aura une petite surprise. Oui. Voilà, il y aura une consommation offerte pour toutes les personnes qui jouent le jeu, et puis voilà, on sera dans cette ambiance, donc tout le monde va être vraiment paré, en tout cas les personnes qui vont chanter ou danser, ou même nous avec notre compagnie, on sera habillés dans cette époque, parce que voilà, c'est vraiment une immersion, donc si vous voulez vous aussi vous joindre à nous, bah allez-y, puis et un petit verre en plus pour bien profiter de la soirée. C'est ça. Merci beaucoup à vous pour avoir donc présenté cette nouvelle édition donc du Cercle Sanjaï, qui est un festival donc à ne surtout pas manquer, qui se déroulera, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais donc à la Porte Saint-Georges et au Cercle du Travail, donc le 13 et 14 juin 2025. Vous pourrez retrouver évidemment la billetterie sur les différents réseaux sociaux de Lumière en Art, comme l'a dit Gilles, que ce soit le Facebook, l'Instagram, entre autres. Et surtout, donc, venez, ne ratez pas ces soirées. Il y en a pour tout le monde, petit comme grand, de la musique, des spectacles, des représentations. Et cette très belle soirée cabaret année folle. En parlant d'un petit peu de musique, on va se mettre un petit morceau quand même pour poursuivre cette émission. Il fait beau, j'avais envie de passer les Stranglers qui sont passés d'ailleurs cette année au NJP. C'était un très beau concert. On se laisse avec Always the Sun et on se retrouve tout de suite sur Fadjet Radio, c'est Éclat de Lumière. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun? Told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. De retour donc sur Fadjet Radio, vous êtes toujours dans l'émission donc Éclat de Lumière, l'émission donc du magazine culturel Lumière en Art. Je suis maintenant avec nos prochains invités, donc Jean-François Vineau, bonjour Jean-François. Bonjour. Et Nimrom, bonjour Nimrom. Bonjour. Qui vont maintenant nous parler un petit peu art. On a évoqué dans cette émission donc le cinéma et le théâtre, c'est autour donc de l'art, de tableaux, de photographies qui vont être évoqués donc juste à présent. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu, Jean-François, au moment où on enregistre cette émission. Oui. Tu as donc exposé la semaine dernière, donc c'était à Saint-Dié, c'est ouais, ça ? Oui, ouais, ce week-end. Un jardin dans ma ville, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette exposition, ce que tu y as exposé, les thématiques ? Oui. C'était une exposition plein air, hein, comme le parc Sainte-Marie il y a 2 semaines ici à Nancy. Et sauf que là, le temps était vraiment très estival. Donc, ça a été. Il fait chaud. Ah ouais. Il fait chaud. Ça a été vraiment très agréable comparé au parc Sainte-Marie où vraiment le dimanche on a eu très froid. Et donc, des belles rencontres encore. Le temps a ramené vraiment énormément de monde. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer monsieur le maire donc de Saint-Dié, des Vosges, m'a-t-il dit qu'il fallait rajouter. Oui, toujours, c'est voilà, vrai. J'ai oublié. Zut. Depuis 99, voilà, c'est le protocole Saint-Dié des Vosges. Et donc, je lui ai montré un petit peu la toile que j'avais composée pour l'occasion, donc sur laquelle figurait la mairie, la statue de la liberté offerte par les États-Unis, et puis la cathédrale de Saint-Dié. Évidemment. Et puis, donc, avec la nature un petit peu qui se glissait entre les monuments, des couleurs assez, assez saturé et ça lui a vraiment plu. Et du coup, il m'a proposé de l'afficher dans la mairie et puis voilà, avec mes coordonnées. Et... Ça, c'est classe. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Bah, surtout que c'est un petit peu la ville de référence dans le coin. Hein. C'est une communauté de communes de un certain nombre de villages. Hein, donc, c'est plutôt une belle rencontre pour l'occasion. Une très bonne nouvelle. Ouais. Et alors, quels vont être un peu les projets pour la suite? Parce qu'on s'était déjà vu fin d'année dernière. On avait un petit peu eu le temps de discuter à cette antenne il y a peut-être un mois ou deux. Ouais. Et alors là, on a l'occasion de refaire le point. Alors, quels sont les futurs projets, les inspirations du moment? Alors, les futurs projets, ça va être fin de semaine, Gilles? Oui. Alors, je vais un peu rebondir et puis tu pourras donner quelques éclairages par rapport à cela. Ouais. C'est vrai qu'il y a une belle aventure artistique qui se prépare, puisque dans plus de 2 jours, à Vol d'Oiseau, Jean-François sera en quelque sorte en filigrane un fil rouge culturel, puisqu'il a conçu et réalisé des photographies en art, avec une démarche qui parlera tout à l'heure, et c'est la conception de ces différents trophées qui sont remis maintenant dans quelques heures à un certain nombre d'ambassadeurs de la culture, des personnalités passionnées. Alors, c'est très varié, puisque donc il a réfléchi à mettre en valeur des sites artistiques de la ville vieille, donc il nous en dira quelques mots, puisque notre événement se passe sur une table gourmande, le Palais Gourmand, rue des Cordeliers, qui accueillera cet événement. Et autour de cela, eh bien, chers amis auditeurs et lecteurs, vous avez découvert tout à l'heure certains des comédiens de Branle-bas de combat, avec René Russo, donc, qui pilote cette compagnie, metteur en scène, enfin on ne présente plus René, voilà. Et il y a un premier joker donc, qui va être attribué à cette compagnie. Ensuite, ça permettra, dans ce voyage en art, d'aller au-delà de Nancy, au-delà de la Lorraine, au-delà du Grand Est, vers l'Alsace, avec Petite Pierre et le festival Au Gré du Jazz cet été. Et c'est donc Jean-François qui également va faire voyager un peu ces sites patrimoniaux jusque là-bas, puisqu'on sera partenaire de ce bel événement. On aura l'occasion de vous en reparler à la prochaine émission. C'est un gros événement de cet été. On va beaucoup en parler, que ce soit donc à la radio ou sur les différents réseaux sociaux. Donc le festival Au Gré du Jazz qui se passe donc dans le parc naturel des Vosges et qui se fait dans un cadre absolument magnifique. Et je pense que Jean-François va... Voilà, et puis parmi les trophées, pour terminer, pour clore ce fil rouge, il a également participer à cette ouverture à l'international, puisque c'est la première fois qu'on va avoir une démarche européenne pour la remise de ces trophées de l'excellence, pépites en art et découvertes des personnalités qui sont impliquées dans la culture en région, puisque donc on aura l'association Nancy France Pologne et puis la diaspora arménienne du Grand Est. Et c'est une belle aventure qu'on partage ensemble. Et puis Jean-François va accompagner également un certain nombre d'événements qu'on va faire au plan régional et national pour la suite, qui va nous emmener l'année prochaine, on l'espère, vers des projets d'exposition où il pourra proposer ses photographies créatives. Exactement. Ouais, merci Gilles. Là, en ce qui concerne vendredi au Palais Gourmand, Gilles m'a laissé réaliser un petit peu l'affiche, les invitations pour l'événement. Et donc, j'ai inséré, comme à l'accoutumée, mon petit coup de patte végétal. Parce que ça fait une dizaine d'années que je prends des photographies un petit peu à toutes les saisons. Et le thème, un petit peu, c'était la Porte de la Craffe. Parce que le palais gourmand se situe dans la rue de la Porte de la Craffe. Donc, la Porte de la Craffe, sur l'affiche, représente le thème central, avec une envolée florale autour, dans des couleurs assez saturées. Et puis, une toque hein, pour le chef gourmand. Et puis, qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? Une palette pour symboliser l'art culinaire. Et on va décerner 6 jokers attribués à des associations, à des personnalités. Et ça va être une belle journée. Ouais. Et c'est un événement très important qu'on va retrouver, que vous pourrez retrouver, puisque quand cette émission sera diffusée, elle sera déjà passée. Et vous pourrez retrouver donc à la fois donc les créations de Jean-François Vineau et la rétrospective et les différents clichés de ce qui se sera déroulé lors de cette très belle journée qui nous attend, nous, dans quelques jours au moment où nous enregistrons. Mais comme j'ai annoncé tout à l'heure, donc Jean-François n'est pas venu seul. Et la dernière fois, on avait eu un petit peu le temps le mois dernier de parler de Nimrom. Et il est de retour aujourd'hui à ce micro pour nous reparler un petit peu donc de son art. Donc Nimrom, si tu veux commencer par te présenter, présenter un petit peu ce que tu fais d'un point de vue artistique, ce que tu peux proposer au niveau peinture et autres. Alors, écoute, déjà rebonjour, effectivement. Donc, ce que je peux proposer actuellement, donc, on pourra peut-être commencer par le début. Donc, ma première exposition du coup, a été faite à court-circuit, donc, chez le gérant Adrien Pierre. Et donc, j'ai été repéré du coup, par Nathalie de Art et Lumière, Nathalie Luyot, et mis du coup en lumière par le président du coup Gilles Cozeres. Donc ce que je fais moi actuellement, comment dire, je vais réutiliser les termes qu'a utilisé Nathalie, ce serait un tableau deux ambiances. Donc j'utilise la lumière noire pour cacher en fait certains aspects de mes tableaux, et autant le jour que la nuit en fait on voit deux choses différentes. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, j'étais en train de regarder en même temps et c'est plutôt clair, bien expliqué, bon. Vraiment bien expliqué. Et alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, peut-être des futurs projets Là, pour les futurs projets, à partir de l'automne, il y aura un projet en commun avec Jean-François Vineau, ouais. Donc compositeur, photographe, avec qui, du coup, nous avons travaillé sur la devanture de la mairie de l'Axou. Et on a ce petit projet en commun où on va un peu mélanger nos tableaux continuer en fait. Vos deux univers. Nos deux techniques, nos deux univers. Pour les autres projets, actuellement, donc je suis sur Facebook donc, en tant que Nimrom. Et aussi à la fois donc, sur Instagram, du coup, pour reprendre mon Instagram, qui est donc Cyrdec, donc Cédric du coup à l'envers, tiré du bas Nimrom. Du coup, pour me trouver directement sur Instagram. Exactement. J'ai quand même une petite question. Alors, quelles sont tes sources d'inspiration ? Composer ça, de quoi tu t'inspires au quotidien et autres, c'est quand même une question qu'on pose traditionnellement chez Lumière. On va dire que lorsqu'on me commande un tableau, en général, c'est l'inspiration, c'est la personne, c'est l'individu qui est en face de moi, qui c'est un permet, peu au cas par cas. Autant son caractère, sa façon de penser. Sa façon d'être, où du coup j'essaie de faire ressortir certaines choses comme le pan que j'ai fait du coup à un collègue et ami et qui voulait que ce soit quelque chose d'assez électrisant, il y avait quelque chose de présent dans cette peinture et j'essaie de retrouver en fait, entre guillemets, ces aspects de la personnalité de certaines personnes, de certains individus et de les mettre en fait dans mon tableau. Et c'est-à-dire qu'il y a donc un échange avec. Il y a un échange avant qui se fait pour que donc je puisse en fait. Concevoir finalement, en fait. Tu te nourris un peu de ces échanges. Pardon ? Tu te nourris un peu de ces échanges finalement. Complètement, oui. Qu'ils soient négatifs ou positifs, effectivement. Parce que ça peut arriver. Tout est bon à prendre. Voilà, comme ça permet de faire les deux facettes. Il n'y a rien de positif, rien de négatif, puisque finalement, sans équilibre, on n'a pas de résultat. Donc c'est ce que moi je dirais. C'est une très belle façon, mais vraiment une très belle façon de finir cette belle interview. Merci à vous deux, donc pour l'annonce de vos futurs projets et merci de nous avoir. Merci pour l'invitation. Ouais. Merci à vous et merci donc d'avoir partagé un petit peu avec les auditeurs donc de Fadjet et de l'émission Éclat de Lumière vos techniques et puis vos futurs projets que l'on va suivre avec attention et qu'on s'empressera de relayer sur nos différents réseaux sociaux par la suite, donc la page Facebook et la page Instagram. Je vais mettre un petit peu de musique avant de passer au dernier invité donc, de cette émission. Je vous remercie tous les deux et puis on se retrouve tout de suite après ça. Merci. À tout de suite. Look at the cash coming in. Yeah. Come get your man, slim nigga bugging me. Yeah. Just need a bag, quit all that jaw jackery. Yeah. Don't even pass me. Hold up, popping and shaking. Got me hot as a laser. My posse deep in narrating. We act a fool for the paper. Had a dream and I made it. El Camino on Dayton's. Bitches guess over bait. Put the brand on me, bitch. Bitch, you bet on my bacon. Pick it flat in the blanket. I might just roll out today. I might just roll out to Vegas. Head back to my old ways. Cop a roof full of Asia hoes and you blow all day. Look at me, baby. Look at me, baby. Don't I look like a million? I'm about to clean out the safe. Don't I look like somebody that just be bodying everything? All that talking is great, but I don't be talking. I air it out. All the problems have gotten easy to bury. I'd rather drown him in Hendrix. I'd rather kiss on my Mary. I've been broke way longer than I've been rich. So until it levels out, I'ma take your mama to the Marriott and wear it out. Took me so long to get it, gonna spread it out. Let them know all about me when I'm dead and gone. One in the hand, one in the bag, bubba. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubba. Look at the cash, bubbling. One in the hand, one in the hand. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubba. Look at the cash, I'ma need all the fries you can give me, all the hot sauce, all the pie you can give me. Better be all or nothing, don't have me in the middle. You better be all you can, get high in a minute. Super fly for the Dumbos, plenty slides like a shuffle. Hit the cadence on my young bitch, Isaac Hayes, Billy Ocean. About the old hoe with the cane stick, let my slippers at the function. It's hard to run the Gucci slides, she got that you say you didn't have a husband. I'm a stud, no cuckold, Jackie Chan, no travel. Can't clean it with the beat, blood dripping from the cutthroats. No, Lord, not me, I can never be the one you wanna stuff for. Money, that machine, guns for the bell, got my stove. R.I.P. the times that I was broke, afterlife in 9/11, folks. Matt back, liquor clean, dead presence in and I'm a local. Cooking up canard, waiting for the antidote. Running out of time, patience thinner than a penny, ho. I don't do that. In my prison, you do what I tell you. Get over here. He's gonna get nasty. Fuck stay the fuck out of here. One in the hand, one in the bag, bubba. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubba. Look at the cash, bubbling. One in the hand, one in the hand, one in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubbling. Look at the cash, bubbling. De retour donc sur Fadjet Radio, c'est l'émission donc Éclat de Lumière du magazine culturel Lumière en Art. On entre dans la dernière partie de cette émission et malheureusement, contrairement à ce que je vous avais dit depuis le début de l'émission, notre dernière invitée est bloquée dans les embouteillages, mais je suis bien par contre avec Aline. Bonsoir Aline. Bonsoir à tous. Et ensemble, pour la dernière partie de cette émission, nous allons évoquer un petit peu comme à notre habitude l'agenda de Lumière en Art et pour commencer, quelques actualités littéraires. Aline. Oui, j'avais envie de vous parler du calendrier du livre, du hall du livre, la fameuse librairie nancéenne dans laquelle vous trouvez tous les ouvrages que vous cherchez, quel que soit le sujet. Et le hall du livre propose des rencontres, des dédicaces de différents auteurs. Et j'avais envie de vous dire qu'il était possible de rencontrer le 6 juin prochain à partir de 18h une rencontre avec Eric Anso, Victor. Ah oui, Eric Anso, ça c'est un nom qui me parle énormément puisque certains d'entre vous le savent peut-être, mais je suis par ailleurs étudiant en histoire-géographie et Eric Anso, c'est un très célèbre historien français qui enseigne à la fac donc, de Nancy au campus donc, Lettres et Sciences Humaines. Eric Anso, qui c'est ? Eric Anso, c'est un spécialiste du Second Empire et plus particulièrement de Napoléon III qu'il a évoqué dans un nombre très important d'ouvrages. C'est un spécialiste plus particulièrement donc, de ce Second Empire et de ce qui l'entoure, que ce soit les arts, l'architecture, la culture à l'époque du Second Empire. Eric Anso, c'est aussi un grand spécialiste de la laïcité et il a récemment sorti une histoire des impôts et c'est un ouvrage que vous pouvez retrouver au hall du livre et je pense que c'est l'un des ouvrages qu'il dédicacera ce soir-là lors de cette belle rencontre qu'il organisera avec ses lecteurs. N'hésitez pas à y aller, c'est quelqu'un qui est extrêmement érudit, très gentil et qui n'hésite jamais à approfondir pour du grand public certains points historiques majeurs. Vous avez peut-être pu l'apercevoir à plusieurs reprises dans l'émission Secrets d'Histoire. Il est intervenu un certain nombre de fois. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est une très belle rencontre, c'est une chance pour nous donc qu'il puisse enseigner à Nancy et qu'il puisse organiser ce genre de rencontre au hall du livre. Alors, merci Victor. Dans un tout autre domaine, le 7 juin, cette fois c'est à 15h, il sera possible de se faire dédicacer par Bertrand Munier sa première BD consacrée à la marque Peugeot, la marque automobile Peugeot. Voilà, le hall du livre, c'est aussi cette force, c'est que ça permet de rencontrer des auteurs aussi différents les uns que les autres et qui peuvent vous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Et il est à noter par ailleurs que Bertrand Munier, pour créer cette BD, il a été en contact directement avec la famille Peugeot et que c'est donc un ouvrage extrêmement érudit puisque la famille elle-même intervient à plusieurs reprises. On sait qu'ils ont eu quelques déboires économiques ces dernières années et c'est une BD qui est extrêmement intéressante pour comprendre un petit peu mieux cet univers, la culture de l'entreprise qu'il y a autour. Pour les fans de foot sont évoqués, évidemment, le club de Sochaux qui est un historique du football français. Très bien. Et puis, je voulais aussi vous parler de la dédicace de Morgan of Glencoe, qui est une jeune femme extrêmement complète, puisqu'elle est autrice, compositrice, harpeuse, chanteuse. Il sera possible le 14 juin au 53-55 rue Saint-Dizier à Nancy, au hall du livre, de la rencontrer pour son premier récit sur la jeunesse. Voilà, je pense que c'est une jeune femme qu'il faut aller découvrir. Et pour les plus jeunes, elle a par ailleurs un compte Twitch, donc elle est streameuse et elle intervient régulièrement sur les différentes plateformes et c'est quelqu'un d'extrêmement accessible et encore une fois je pense que c'est une chance pour nous qu'elle puisse venir donc à Nancy. Voilà, c'est tout pour ce petit point hall du livre, mais l'actualité littéraire n'est pas terminée parce qu'effectivement à partir de ces derniers jours nous avons eu les premières esquisses finalement du livre Sur la place et de ceux qui sont donc les futurs présidents et présidentes, Aline. Oui, absolument. Le livre sur la place, on connaît déjà les dates. C'est le 12, 13, 14 septembre prochain. On connaît déjà le président de cette 47e édition, puisqu'il s'agit du grand Guillaume Gallienne. Tout le monde le connaît comme étant un sociétaire, le 413e, il me semble, hein, Victor de 513e, il me semble, ouais. De la Comédie Française, qui est évidemment un acteur, un liseur, vraiment une personne avec extrêmement de talent. Mais sachez aussi qu'on sait déjà qu'il y aura d'autres présidents, coprésidents. Des différents prix, ouais. Prix qui leur sont peut-être remis ou en tout cas qu'ils les remettront. Il y a Anne Sinclair, il y a Kamel Daoud, il y a Mathias Malzieu qui est un chanteur, le fameux chanteur. Ouais, de Dionysos, exactement. Mathias Malzieu et Kamel Daoud, hein, qu'on avait pu tous les deux voir ces dernières années au Livre sur la Place. Kamel Daoud, je l'avais rencontré personnellement au Livre sur la Place l'année dernière, avant qu'il ne reçoive le Goncourt qui a fait tant parler, dont on vous a parlé ces derniers mois, sur Fadjet Radio. Et puis Mathias Malzieu, un chanteur de Dionysos, qui a été très malade ces dernières années, qui a sorti un nombre important d'ouvrages sur la maladie, sa convalescence, le combat qu'il a mené finalement pour sa vie, notamment Journal d'un vampire en pyjama, qui a été un énorme succès en France. Et c'est vraiment une chance, encore une fois, pour nous de les avoir à Nancy, puisque ce sont quand même de beaux représentants de la scène littéraire française. À noter par ailleurs que Guillaume Gallienne est quand même récipiendaire de Molière et de 4 Césars pour ses films et ses différentes œuvres, et que c'est vraiment donc une belle vitrine pour la littérature, puisque le Livre sur la Place est quand même maintenant une institution très importante en France. Et puis pour finir cette émission, je souhaitais évoquer, on l'a évoqué un petit peu avec Gilles tout à l'heure, mais plus en détail, ce festival duquel on va vous reparler de manière importante dans les semaines, dans les mois à venir. Il s'agit du festival Au Gré du Jazz. C'est un festival qui se tient donc à la Petite Pierre, on l'a évoqué tout à l'heure. Du 9 au 17 août, c'est dans un encrin de verdure, à la frontière entre le Bas-Rhin et les Vosges, que va se tenir ce festival magnifique, avec une programmation extrêmement éclectique. À la fois une programmation avec des artistes plus spécialisés, mais aussi des artistes donc plus grand public, qui sont à la fois donc qui vont présenter des concerts gratuits comme payants, avec l'équipe de Lumière, et j'en suis sûr, Aline, tu y seras sensible également, la démarche éco-responsable, puisque le festival est subventionné par le parc naturel des Vosges. Et parmi les différents intervenants que l'on va pouvoir retrouver durant ce magnifique festival. On peut citer donc Tangerine Mist, Zamakan ou encore Pambélé, qui sont donc parmi les grandes têtes d'affiche que vous pourrez retrouver durant ces deux semaines, que ça soit sur la scène du château ou lors de déambulations musicales dans toute la ville. Et pour finir, peut-être aussi vous préciser qu'au moment où nous enregistrons cette émission, la programmation du NJP a commencé à être dévoilée, Aline. Absolument. Alors, aujourd'hui, il est difficile de vous annoncer des grandes pointures, mais là aussi, c'est un rendez-vous incontournable pour les Nancéens. C'est le NJP. Évidemment qu'on ne manquera pas de vous en reparler plus en détail quand le programme sera davantage dévoilé, parce que voilà, là, il y a quelques noms qui sont sortis, mais... Ça me gêne un peu, Victor, de donner 3-4 noms alors que ça se trouve d'autres pointures sont invitées. D'autres pointures vont être invitées à l'avenir. Mais en effet, on a quelques noms, hein, à savoir quand même des noms comme le groupe français Dali, qui est quand même une grande pointure pop de ces dernières années, de plus en plus connue, qui va être présent lors donc de ce NJP 2025 qui se tiendra aux alentours du mois d'octobre. On peut citer également le groupe Deluxe, qui est quand même l'un des groupes les plus connus actuellement sur la scène électro-pop, qui lui aussi fera une apparition lors du NJP. À noter donc que la totalité de la programmation sera dévoilée, je crois, le 12 juin 2025, et que c'est un événement à ne surtout pas manquer, une institution à Nancy, donc en grand test. Voilà, tout ça c'était pour vous donner l'eau à la bouche et puis surtout réécouter notre émission pour que vous on puisse vous dévoiler la programmation complète dans quelques semaines. Du NJP, on n'y manquera surtout pas de faire un gros point là-dessus. Merci beaucoup Aline. Merci à toi Victor. Je remercie également nos chroniqueurs, donc Gilles, Mouloud et Nathalie, et ainsi que nos différents invités. C'était une émission extrêmement large où on a évoqué du cinéma, du théâtre, mais aussi de la littérature et de la peinture. Je remercie donc tout le monde, je remercie également Fadjet Radio. On se retrouve le mois prochain pour notre émission du mois de juillet. Et en attendant, n'hésitez pas, sortez, cultivez-vous. Je vous laisse un petit peu avec Bob Marley pour finir cette émission. Ciao, bye bye.